What a blessing to be here. Quelle bénédiction d'être ici. What a blessing to be alive. Quelle est une bénédiction d'être en vie. That we can be alive today. Que nous pouvons être vivants aujourd'hui. This is the dispensation. Aujourd'hui, c'est la dispensation. That when the prophets and the apostles of the Bible. Que les prophètes et les apôtres de la Bible. In the days of old. Dans les anciens jours. When they saw the visions, quand ils ont vu les visions, when the Lord conversationed with them, quand il avait une conversation avec eux, about this dispensation, à propos de cette dispensation, they wept, ils ont pleuré, they cried, ils ont crié, and they said, et ils ont dit, that will be, cela sera, a dispensation of power. La dispensation de l'heure. And they wished. Et ils voulaient, ils désiraient. They said, oh, how I wish. Oh, comment je désire. That I could live to see that dispensation. Que je puisse vivre et voir cette dispensation. And that's why. Et c'est pour cela. It is a privilege. Que c'est un privilège. That we can live to see this dispensation. Que nous puissions vivre cette dispensation. Because. Parce que. This is the dispensation. Car cette dispensation. That prepares the way. Qui prépare le chemin. For the coming of the Messiah. Pour le retour du Messie. Hallelujah. Hallelujah. That is awesome. Ça c'est parfait. That is mighty. Ça c'est puissant. That is a treasure. Ça c'est un trésor. That is being the elect. Ça c'est être des élus. Because. Parce que only the Lord can elect you to live now to prepare the way. Seulement Dieu peut te choisir comme élu pour préparer le chemin. In other words, dans d'autres mots, this is the dispensation. Ceci est la dispensation that receives the Messiah. Qui reçoit le Messie. You are the dispensation. Vous êtes la dispensation. You are the generation. Vous êtes la génération that they saw. In the Bible. Qu'ils ont vu dans la Bible. Now. Maintenant. I already began to have a conversation. J'ai commencé à avoir une conversation. On what the Lord is saying right now. Ce que Dieu dit maintenant. To the church. Pour l'église. And we saw very clearly. Nous avons vu clairement. That the conversation of the Lord at this hour. Que la conversation de Dieu à cette heure-ci. The conversation of the Lord at this hour. La conversation avec Dieu à cette heure-ci. Is a purifying conversation. C'est une conversation pure. It's a conversation of purification. C'est une conversation de purification. Which means the Lord is asking the church at this hour. Que cela veut dire que l'église est, Dieu est en train de demander à l'église en ce temps. To go into purification. Pour qu'ils aillent dans la purification. And there is no better word. Et il n'y a aucun autre monde. Than a message that comes and says. Que le message qui dit. That behold, this is the hour. Que vous puissiez attendre. For purification. Et que c'est le temps de la purification. There is no better message. Il n'y a pas aucun message meilleur. That prepares the church. Qui prépare l'église. In righteousness. Dans la droiture. And holiness. Et dans la sanctification. And the only reason. Et la seule raison. That the Lord can bring me here. Que le Seigneur peut m'amener ici. To talk about righteousness. Pour parler de la droiture. And purity. Et la pureté. And holiness. Et la sainteté. Is when. C'est quand. There is a crisis of purity in the church. C'est quand il y a de la purification dans l'église. Only when. C'est quand seulement. There is a crisis in holiness in the church. C'est quand il y a une crise de sainteté dans l'église. Only when c'est quand seulement there is a righteousness crisis in the church. Il y a une crise de droiture dans l'église. That is the only reason I can come ça, here. Ça c'est pour cette raison que je suis ici. Otherwise why? Why come? Pourquoi je devrais être ici? Hallelujah. Hallelujah. And so I shared with you. J'ai partagé avec vous. On the foundation message. Sur la fondation du message. The foundational message. La fondation du message. Of the mighty vision of the wedding rings in the sky. De la vision puissante des anneaux du mariage dans le ciel. In other words, dans d'autres mots, the message of the wedding of the Lamb of God. Le message du mariage avec l'agneau de Dieu. And we saw very clearly, et nous avons vu clairement, that day, que cette journée-là, when that day comes, quand cette journée-là viendra, behold, he comes like a thief. Que vous soyez éveillés, il vient comme un voleur. That will give you treasure in this message. Cela va vous donner un trésor dans ce message. Because the Bible says, parce que la Bible dit, nobody knows the day, personne ne connaît le jour, or the hour, ni l'heure. He comes like a thief. Il vient comme un voleur. But now, maintenant, he sends somebody, il a envoyé quelqu'un, to tell them, now prepare, pour que vous vous préparez. That is treasure. Ça c'est un trésor. Alléluia. Alléluia. That if you prepare now, si vous préparez maintenant, you enter the kingdom of God. Vous allez entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. And so when I began on the message of the wedding of the Lamb of God, quand j'ai commencé à propos du message de le mariage de l'agneau de Dieu, we saw, nous avons vu, that message brings responsibility to the church. Que le message amène la responsabilité sur l'église. He says, il dit, behold, the wedding has been prepared. Que vous soyez éveillés, le mariage est déjà préparé. Because you see the wedding rings. Vous voyez déjà les anneaux de noces. Meaning heaven is prepared. Cela veut dire que le ciel se prépare. He says, il dit, that the kingdom of God is now ready. Que le royaume des cieux est déjà prêt. Every time you're going to have a wedding, chaque fois que vous avez un mariage, and the wedding rings are ready, et les anneaux de noces sont prêts, that means the preparations have been finalized. Cela veut dire que la préparation est finalisée. They have been finished. Et que ça a été fini. And the message there is, et le message qui est dans cela, that if heaven is ready, si le ciel est prêt, then if the church, si l'église, in Europe, en Europe, belongs to the kingdom of heaven, appartient au royaume des cieux, then she must also get ready. Il doit aussi être prêt. Hallelujah. Hallelujah. In that conversation, dans cette conversation, one of the main things that came out, la chose qui est venue de ce message, in that conversation of the wedding of the Lamb, dans ce message du mariage de l'agneau, is that when the church will wear the righteousness of the Lord, que si l'église porte la droiture de l'Éternel, the holiness of Jehovah, la sainteté de Jéhovah, and he says that is fine linen, là, cela veut dire fin lin, bright and clean, qui est brillant et clair, and he says when she wears that, et quand il porte cela, then according to the standards of the kingdom of God, selon les standards du royaume des cieux, she is ready. Elle est prête. Hallelujah. Hallelujah. And so we saw that is the main instruction that is coming. Nous l'avons vu que ce sont les instructions qui viennent des cieux. That in all this message about the coming of the Lamb, dans tout ce message du retour de Jésus, the instruction for which I am here, les instructions pour lesquelles je suis ici, is to call the church in Europe, c'est pour appeler l'église en Europe, to call on the nation of Europe, pour appeler la nation de l'Europe, to return to righteousness, pour retourner à la droiture, that without righteousness, sans la droiture, there is no salvation, il n'y a pas de salut. Let me explain this. Laissez-moi expliquer cela. In other words, I'm saying, je dis, that the Lord has sent me here, que le Seigneur m'a envoyé ici, to announce, pour annoncer, that this is the dispensation, que ceci est la dispensation, of righteousness, pour la droiture. He's saying, il dit, that this hour, que en ce temps-ci, this is the hour of righteousness in the house. C'est le temps de la droiture dans la maison. And that can only mean, cela veut dire, that whatever we were doing, que quel que soit ce que nous faisons, we must now stop. Nous devons arrêter. And get our bearing back to righteousness. Et que nous devons retourner dans la droiture. That is the message. Ça c'est le message. If you go anywhere, si vous allez ailleurs, n'importe où, and they ask you, et ils vous demandent, what did he say? Qu'est-ce qu'il a dit? What message did he bring? Qu'est-ce quel message il a amené? You tell them, vous leur dites, he said, il dit, that he has come to announce, qu'il est venu annoncer, that behold, que vous soyez éveillés, the hour of righteousness, le temps de la droiture, has arrived, a été arrivé. That is all.

au ciel. For the wedding of the Lamb of God. Les noces de l'agneau de Dieu. That there is a message in Revelation chapter 19. Qu'il y a un message dans Apocalypse chapitre 19. And when that scripture in Revelation chapter 19. Dans cette écriture dans Apocalypse chapitre 19. Begins to celebrate the day of the wedding of the Lamb. Commence à célébrer les noces de l'agneau. Then He gives a message to the church. Il donne un message à l'église. And that is the direction he is giving the church. Et ça c'est la direction qu'il donne à l'église. He tells the church. Il dit à l'église. Hallelujah. Hallelujah. Let us celebrate. Les célébrons. Give him glory. Donnons-lui la gloire. Be glad. Soyez contents. For the wedding of the Lamb of God has come. Car le mariage de Dieu, les noces de Dieu, le temps est venu. And his bride et son épouse has made herself ready. Est prête, s'est fait prête. And then he says, fine linen et il dit, fin lin has been given to her. A été donné à elle. And then he says the fine linen et il dit le fin lin is the righteousness of the church. Et la droiture de l'église. So that is where I want to talk today. C'est là où je veux parler aujourd'hui. What is the message coming from the Lord to you today? Quel est le message qui vient de Dieu pour vous aujourd'hui? After we have seen the cloud. Après que nous avons vu la nuée. I am going to share three visions. Je vais partager trois visions. The first vision. La première vision is April 2nd. Et le 2 avril. The year 2004. 2004. Very far away. Très loin. I'm going to describe features of that vision. Je vais parler des caractéristiques de cette vision. There are so many segments and each one of them is a prophecy. Il y a beaucoup de segments que chaque segment est c'est une prophétie. In that vision. Dans cette vision. I was lifted up by the Lord. J'ai été enlevé par Dieu. And I found myself standing before the throne of God. Et je me suis vu devant le trône de Dieu. And the glory of God. Et la gloire de Dieu. Covered the throne like a mountain. Couvre le trône comme une montagne. And when the glory covered the throne. Quand la gloire couvre le trône, like a mountain, comme une montagne, and I was standing facing the throne, et que j'étais devant en face du trône, he made me know, il m'a dit, il m'a montré, that inside that glory covering the mountain, like a building, like qu'à à l'intérieur de cette gloire, cette montagne, comme ce building, he made me know, il m'a dit, that he that sits on the throne was seated on the throne. Que celui qui est assis sur le trône est assis sur le trône. That he was seated there. Et qu'il est assis sur le trône. Number two. Deuxièmement. He also made me know. Il me dit aussi. That when he was seated there. Que quand il était assis là-bas. He was paying particular attention to what was about to happen where I was standing. Qu'il regardait attentionnellement de ce qui allait se passer là où j'étais. I know very quickly you are going to see the prophetic timeline towards the coming of the Messiah. Après, vous allez comprendre le temps des événements du retour du Messie. The prophetic timeline. L'échelle du temps de retour du Messie. Towards the coming of the Messiah. Là où le retour du Messie. So when I was standing there. Là où, quand je me tenais là-bas. Then all of a sudden. Et soudainement. The glory opened a little bit somewhere there. La gloire s'est ouverte un tout petit peu comme là-bas. And one came from there. Et un est venu de là. And stood right next to me. Et s'est juste levé devant moi, s'est arrêté devant moi. His name is called John the Baptist. Et son nom est Jean-Baptiste. And he stood here. Et il était devant moi. When John the Baptist stood here, quel que soit quand Jean-Baptiste s'est levé devant moi. First of all, he walked like this, and came and stood. He walked this way, and then he went this way, and then he came and stood here. Il est parti comme ça, est venu comme ça, et il est venu s'arrêter. And then he began to talk with me. Il a commencé à me parler about the coming of the Messiah. À propos du retour du Messie. And he said, et il m'a dit, he is going to come back soon. Il va revenir bientôt. So go tell them. Va et dis-le. To prepare the way for the coming of the Messiah. De se préparer pour le retour du Messie. That is the statement that sent me all over the world until today. Ça c'est la chose qui me fait circuler le monde entier jusqu'aujourd'hui. Of course, he has put more revelation on it. Il a en donné encore plus de révélation. Oui, but that is the initial statement that pushed me, catapulted me out. Ça c'est le discours initial qui m'a donné. Listen to this. Écoutez ceci. And then, et après, he told me. Il m'a dit. He who was slain, celui qui a été coupé, he is going to come back for the church. Il va revenir pour l'église. The one that was slain, celui qui a été coupé. And I don't know why. Et je me suis demandé pourquoi. Inside that vision, à l'intérieur de cette vision, I did not understand. Je ne comprenais pas. I began to contest him. J'ai commencé à contester ce qu'il me disait. I said, but why did he have to be slaughtered? Pourquoi il a été coupé encore? Why was that necessary? Est-ce que cela était nécessaire? After a moment, après un moment, then I saw a vision inside the vision. J'ai vu une vision à l'intérieur de la vision. And I saw when the Messiah was slaughtered. J'ai vu que le Messie a été coupé. When the Lamb of God was offered, I saw now. L'agneau qui s'est sacrifié, je l'ai vu. And I saw the blood. Et j'ai vu everything. Le sang. I cannot describe most of it. Je peux pas tout décrire. J'ai vu tout. And then, et après, it was more painful to me. Et ça faisait très mal pour moi. Inside this vision. Dans cette vision-là. So I asked him. Je lui ai demandé. But why did he have to suffer like that? Pourquoi il a dû souffrir comme cela? And at that time, et dans ce temps-là, then he said. Il m'a dit. First of all, he said it was the will of the Father that he be offered. Il m'a dit premièrement que c'était la volonté de Dieu le Père pour qu'il soit sacrifié. But he said, et il m'a dit, let me show you what is about to happen. Maintenant, laisse-moi te montrer ce qui va se passer. And then I was lifted up. Et j'étais après enlevé. And I saw a second, another vision within the vision. J'ai vu une deuxième vision dans la vision. Step by step. Étape par. And he lifted me up and took me to Israel. Et m'a enlevé et m'a amené en Israël. He said, "Let me show you what's about to happen." Et m'a montré, tu vas voir ce qui va se passer. And so he lifted me up and took me to Israel. Et m'a amené et m'a apporté en Israël. And in Israel, he took me around the promised land from above. Et il m'a montré Israël depuis le début de la terre promise. And then when I was there, et quand j'étais là, I saw something. J'ai vu quelque chose. I saw the tomb of Arafat. J'ai vu la tombe d'Arafat. He was still alive. Il était encore vivant. I saw now the tomb, a big tomb. J'ai vu une grande tombe. And fresh. Et qui était frais. Then when he was lifting me above Israel, above the sky. Et quand il était au-dessus d'Israël. Then I saw lamps in homes, lamps, light in homes. J'ai vu des lampes dans les maisons. Yes, all over the Arab homes. Dans toutes les maisons des Arabes. And people, les gens pleuraient. They were mourning all over the land. Ils se plaignaient dans tout le pays. There was mourning in the Arab world. Ils se plaignaient dans le monde arabe. So I knew earlier, oh, so Arafat is going to die. Je suis alors que Arafat allait mourir. And then, et après, I saw two changes of leadership in Israel. J'ai vu deux changements de leadership en Israël. I saw two changes of leadership in Jerusalem. J'ai vu deux changements de leadership en Israël à Jérusalem. When the first change took place, quand le premier changement a eu lieu, there was a government that came. Il y avait un gouvernement qui est venu. But when the second change took place, quand le second changement a eu lieu, the whole world was shocked. Le monde entier était choqué. And the Lord took me, I saw the whole world in shock. Et le Seigneur m'a montré comment tout le monde entier était choqué. Hey, today, now I'm giving the secrets of God here, right? Aujourd'hui, je suis en train de vous donner les secrets de Dieu, n'est-ce pas? When the second change took place, the world was afraid and scared and feared. Le second changement, quand il y a eu lieu, le monde était effrayé, était dans la crainte, dans la peur. Why? Pourquoi? Because I heard the leaders of the world, I heard them from where in Europe, everywhere. J'ai entendu les leaders du monde partout en Europe. They were saying, how will we negotiate with them for the peace of Palestine? Et ils ont dit, comment allons-nous négocier pour la paix avec la Palestine? Because it was a right-wing government. Parce que c'était un autre gouvernement. The second change. Le second changement. And then after the second change took place. Après que le second changement a eu lieu, then the Lord brought me back before the throne of God again. Dieu m'a ramené devant son trône encore. And then as I stood there, et quand j'étais devant là, then the glory opened. La gloire s'est ouverte. Then the Lamb of God came. L'agneau de Dieu est venu. I know the wise ones have already picked the message. Les sages ont déjà compris le message. Again, let me repeat this. Laisse-moi répéter ceci. When the second change took place, quand le second changement a eu lieu, when the second change took place, quand le second changement a eu lieu, then the glory of the Lord lifted me back to the throne. La gloire m'a ramené devant le trône de Dieu. And then I saw the Lamb of God coming. Et j'ai vu l'agneau de Dieu venir. And when the Lamb of God came from there, quand l'agneau de Dieu est venu de là, everything became more glorious. Tout est devenu glorieux. And there was a small ridge like this. Et il y avait une petite vallée. Very good. A small ridge between me and that glory. Il y avait une petite vallée entre moi et cette gloire. And John the Baptist was still standing here on my left. Et Jean le Baptiste était juste à côté de moi à ma gauche. But when the Lamb of God began to come from there, quand l'agneau de Dieu est venu de là, all of a sudden, soudainement, all my raiment, my cloth, tous mes vêtements, became super glorious. Sont devenus super glorieux. It was so glorious. C'était tellement glorieux. When I looked at John the Baptist, quand je regardais Jean Baptiste, all his raiment became super glorious also. Tous ses vêtements aussi sont devenus glorieux. Transfigured. Et qui ont été transfigurés. To the extent, à l'extension, that I knew that if you put a pen, a dot of a pen, I would see. Je savais que si tu mettais un point de stylo, on pouvait voir ça. Even a small dot of a pen, I would see. Même si c'est un petit point d'un stylo, tu vas voir la marque. And the Lamb of God came. Et l'agneau de Dieu est venu. And the conversation when the Lamb arrived, I'm not allowed to share until today. Et la conversation what happened after that? Avec l'agneau de Dieu, je peux pas le dire jusqu'à maintenant. But listen to the most important part. Mais écoutez attentivement l'important message. Then after that, he said. Après cela, il dit. Go tell the nations of the earth. Va dire aux nations de la terre. The four corners of the earth. Les quatre coins de la terre. To repent. De se repentir and prepare the way for the coming et de of the se Messiah. Préparer pour le chemin du retour du Messie. That is the journey that I began until today. Ça c'est la journée depuis ce jour-là que j'ai commencé jusqu'à maintenant. But mais the reason I bring this, la raison que j'amène ceci, is for some of you whose spiritual eyes have seen. C'est pour ceux dont les yeux spirituels ont déjà vu. Then I began to prophesy. Et j'ai commencé à prophétiser. When I woke up. Quand je me suis réveillé, I began to go all over the earth. Je commençais à circuler le monde entier. I said, I see that Arafat is going to die. I've seen his tomb. J'ai vu Arafat mourir. J'ai vu sa tombe. And then I said, et j'ai dit après, I see two changes of government in Israel. Je vois deux changements de gouvernement en Israël. And I said, the first and the second change. Le premier et le second changement. And the second change, the whole world said, wow, how will we negotiate with them for Palestine? Le second changement disait, comment on va négocier pour la paix en Palestine? And as I was still going around the world, et quand je circulais dans le monde entier, all of a sudden Arafat went into a coma, I think. Coma or died. Coma. Soudainement, Arafat est parti dans le coma. And pastors began to call me from all over the world. Et tous les pasteurs m'appelaient du monde entier. Man of God, the prophecy has been fulfilled. Oh, l'homme de Dieu, la prophétie s'est fait. The first prophecy was fulfilled. La première prophétie était. Then after that. Et après cela. Again, as I continued preaching. Quand j'ai continué à prêcher. All of a sudden. Soudainement. Ariel Sharon, the Prime Minister of Israel. Ariel Sharon, le Premier ministre d'Israël. He went into a coma. Il est aussi parti en coma. Until today, right? Jusqu'à maintenant, oui. He went into a coma. Il est au coma jusqu'aujourd'hui. Until today. Jusqu'aujourd'hui. And Ehud Olmert became the Prime Minister. Ehud Olmert est devenu Premier ministre. Very good. And I began to tell people. Et j'ai continué à parler aux gens. That the next change. Que notre changement. He's going to be Benjamin Netanyahu too. Que ça va être Benjamin Netanyahu. The Israeli Prime Minister. Le premier ministre israélien. Very good. Everybody focus on this. Focalisez-vous sur moi. If you look inside here, you are going to pick a treasured message and run away with it. Si vous vous focalisez sur moi, vous allez écouter un message et apprendre un message très important. If you look very deep into what I'm saying. Si vous regardez attentivement de ce que je suis en train de parler. You are going to catch a treasure and run with it. Vous allez attraper un trésor et courir avec. Then, so we had the first change of leadership. Et nous avons vu les changements de leadership. And sure enough, et sûrement assez, I was speaking in 2004, 2005. Je parlais en 2004, en 2005. And then, sure enough, et sûrement assez, after that, Benjamin Netanyahu came après to power. Benjamin Netanyahu est arrivé. And then, et après, the government that was formed. Le gouvernement qui était formé was a right-wing government. Était un gouvernement droit. With somebody like Avigdor Lieberman, the minister for foreign affairs. Le ministère des affaires étrangères. But I did not understand one thing. Mais je ne pouvais pas comprendre inside this prophecy. Dans cette prophétie. Until recently. Jusqu'à récemment. So, maintenant, when I was living in Israel. Quand je vivais en Israël. When the Lord called me, I was doing my doctorate in Israel. Quand Dieu m'a appelé, je faisais mon doctorat en Israël. So I was living there for 7 years. Je vivais là-bas pour 7 ans. But when I was living there, Benjamin Netanyahu was the prime minister there. Benjamin Netanyahu était le premier ministre. And so, maintenant, I was thinking, je pensais, that when he comes back, that is called Benjamin Netanyahu too. Quand il revenait, je savais que c'était Benjamin Netanyahu 2. The first one then, the second one now. Le premier avant et le deuxième maintenant. But recently I was shocked. Et récemment j'étais choqué. The prophecy was double tire. La prophétie était doublement faite. Like the prophecy of Rachel wailing in Ramah. La prophétie comme Rachel pleura à Ramah. Yes, when they went to Babylon. Quand ils sont partis à Babylone. And also when Jesus was taken to Egypt. Et quand Jésus était repris de l'Égypte. So it was double stair, double tire. C'était double étape. Recently. Récemment. Benjamin Netanyahu came back. Est revenu. So it was Benjamin Netanyahu too, but Benjamin Netanyahu twice. Mais c'était pas Benjamin Netanyahu deux, mais c'était Benjamin Netanyahu deux fois. I was very shocked. J'étais choqué. But the message is this. Mais le message est ceci. After the second change of leadership. Après le second changement de leadership. The Lord lifted me up and brought me before the throne again. Dieu m'a enlevé encore une fois et m'a ramené sur le trône devant le trône. And then. Et après. Out of the throne. Dehors du trône. The Lamb of God came. L'agneau de Dieu est venu. Did somebody understand? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? That is very simple. Everybody can eat that, ça, right? Ça c'est très simple. Tout le monde peut manger ça. When the second change took place. Quand il y a eu un second changement qui a eu lieu. Then my raiment became glorious. Mon habit est devenu glorieux. Even the one of John the Baptist. Même celui de Jean Baptiste. And then the Lamb came. Et après l'agneau est venu. Did somebody understand? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? But I want to focus on that glorious raiment. Mais maintenant je veux parler de le vêtement glorieux. Hallelujah. I told you what I'm giving you, you cannot get anywhere else. Je vous dis que ce que je vous donne, vous n'allez trouver ça nulle part. This is the sermon of your lifetime. Ça c'est le serment de votre vie entière. If you catch it finished, you can now enter the kingdom of God. Si vous comprenez ceci, tout est fini, vous pouvez entrer dans le royaume des cieux. The second vision of the garment. La seconde vision du vêtement. I was traveling to Venezuela for a national revival. Je voyageais pour le Venezuela pour un réveil national. When I reached South Africa at the airport. Et quand j'étais en Afrique du Sud à l'aéroport. And you know, this is the cheapest one he ever sent. Et vous savez que je suis le moins coûteux qu'il n'a jamais envoyé. So we had to wait for 24 hours at Johannesburg Airport. Alors imaginez-vous, on devait attendre 24 heures à Johannesburg à l'aéroport. And so with my team, the camera, and I was going for a healing service. So I came with the worship keyboardist and all that, you know. Avec mon équipe, le caméra, toute mon équipe, j'allais pour un service de guérison. J'avais mon équipe pour adorer, pour le santé. For 24 hours, we were waiting at the airport. Pendant 24 heures, on attendait à l'aéroport. 24 hours. Pendant 24 heures. And I said, et j'ai dit, the money for going to the airport hotel, l'argent pour aller à l'hôtel de l'aéroport, we don't have. Nous n'en avons pas. And we found out, et nous avons trouvé que, that the floor of the airport is free of charge. Que le ciment de l'aéroport est gratuit. So we put our bags as pillow and slept. Et nous avons pris nos bagages, nous les avons mis par terre et nous sommes endormis. And many people from Kenya go there also. Et beaucoup de gens kenyans vont là-bas aussi. So I was hearing people passing by me. J'ai entendu beaucoup de kenyans passer qui me disaient, when I was sleeping on the floor, quand j'étais par terre sur à l'aéroport, waiting for the flight to cross the ocean tomorrow, en attendant l'avion pour traverser l'océan pour aller à l'autre côté. And I heard people say, is it the man of God? Oh, ça c'est l'homme de Dieu. Wow, this is the man of God. Ah, ça c'est l'homme de Dieu. I heard. Je les ai entendus. I heard everything. J'ai entendu tout. I heard. J'ai entendu. But it was free. Mais c'était gratuit. The ground nuts. Les cacahuètes. And Coca-Cola. Et Coca-Cola. I could afford. Je pouvais acheter. So I bought for my team. J'ai acheté pour mon équipe. So we drank and we celebrated the Lord. Et nous avons bu et nous avons célébré le Dieu. We said. Nous avons dit. We said, wow. Nous avons dit, wow. Let us just thank the Lord. Célébrons l'Éternel. That he gave me the flight ticket. Qui m'a donné le ticket d'avion. Because he could have put me on the boat. Parce qu'il aurait pu me mettre sur le bateau. 6 months in the ocean. Pendant 6 mois dans l'océan. And he would still be God. Et he would still be Jehovah. Et il sera toujours Dieu. And I would have still gone there. Et j'aurais pu aussi y aller. So I said, let us celebrate. Et je dis, célébrons s'il vous plaît. We can afford the flight ticket. Parce que nous pouvons acheter un ticket d'avion. But when I was lying down on that floor. Mais quand je dormais par terre. Many people walking. Beaucoup de gens. And announcements. Marcher et annoncer. Then I saw the visions of the Lord. Et j'ai vu maintenant la vision de Dieu. Right on the floor there. Quand j'étais par terre. Not in the presidential suite. Non, pas dans la suite présidentielle. Intercontinental Hotel. Intercontinental, l'hôtel intercontinental. On the floor here. Par terre à l'aéroport. Jesus had no home. Jésus n'avait pas de maison. He used to go to the Mount of Olives. Il était habitué à aller au mont des Oliviers. On the rock. Sur les rochers. And he used to rest there. Et il dormait là. On that day. Et ce jour-là. I surely understood. J'ai sûrement compris. What the Messiah went through on that mountain. Ce que le Messie a traversé sur cette montagne-là. When he used to be tired and rest on the rock of the mountain. Quand il était fatigué et qu'il restait et qu'il dormait sur les rocs, les pierres. He had no home. Il n'avait aucune maison. But anyhow, I saw the visions of the Lord. Mais quel que soit, c'est là où j'ai eu la vision. What did I see? Qu'est-ce que j'ai vu? All of a sudden the voice told me in that vision. Soudainement la vision est venue. Look and see who is coming. Regarde et vois celui qui vient. And in that vision. Et dans cette vision. When I looked at my left. Quand j'ai regardé de mon côté gauche. Then I saw a powerful pale horse. J'ai vu un puissant cheval. With the rider. Avec un chevalier. And he was coming and there was darkness following him. Il venait et il y avait des ténèbres qui étaient derrière. I had prophesied the first three horsemen. J'ai déjà prophétisé sur les trois premiers chevaux. But now the fourth one was coming. Mais le quatrième venait. And then when he came and arrived. Et quand il est venu et il est arrivé. And I saw a lot of death, Tunisia, Libya, Egypt, what Syria, everything. Et quand j'ai vu beaucoup de morts en Tunisie, en Égypte, partout dans le pays arabe. That is the prophecy. Ça c'est la prophétie qui a amené le sang dans le pays arabe. His name is death. Son nom c'est la mort. But anyhow, mais quel que soit, when he had arrived, quand il est arrivé, listen to the most important part now. Écoutez attentivement le message important. When he had arrived, quand il est arrivé, then, après, all of a sudden, soudainement, the Lord for the first time, le Seigneur pour la première fois, I have seen, j'ai vu, he has shown me about four times, il m'a montré quatre fois, the Lord coming and taking the church, Dieu prendre l'église. But I have never seen, mais je n'avais jamais vu, the church inside heaven, l'église à l'intérieur des cieux. So it was my first time. C'était la première fois. From where he lifted me up, là où il m'avait enlevé, when the fourth horseman arrived, quand le premier chevalier, le quatrième chevalier est venu, then all of a sudden I saw the bride of Christ worshiping before the throne. Soudainement, j'ai vu l'église, l'épouse de Christ, adoration, en train d'adorer devant le trône. Worshiping before the throne of God. En train d'adorer devant le trône de Dieu. And what I saw was this. Qu'est-ce que j'ai vu? They were wearing very long, glorious garments. Ils avaient de longs vêtements, de longs habits. Remember, the title of the message is the garment of the Lord. Le titre du message, c'est l'habit de Dieu. I am focusing on the garment. I'm giving you the visions, but pulling out the garment. Je vous donne la vision, mais en mettant de l'emphase sur l'habit, le vêtement. So when she was worshiping, I noticed one thing. Quand ils adoraient, j'ai vu quelque chose, j'ai remarqué quelque chose. First of all, premièrement, it was my first time to see the church finally inside the kingdom of heaven. C'était la première fois que je voyais l'église à l'intérieur des cieux. First of all, la première fois. Number two, deuxièmement, when they were worshiping, quand ils adoraient, it was the sweetest worship I ever heard with my ears. C'était le délicieux adoration que je n'ai jamais entendu. Dulce, very sweet. Qui était très délicieux. Number three. Troisièmement, when they were worshiping, quand ils adoraient, the garment was very long and white. Le vêtement était long et blanc. But when it reached down, mais quand le vêtement arrivait par terre, it flowed a little bit. There was extra. Il y avait un extra. Il y avait un extra sur la terre. Number five. Numéro 5. As they worshipped, quand ils adoraient, their hands, leurs mains, they were worshipping all together in unison. Unison. Ils adoraient en unité. Meaning, ce que veut dire, when they are going in one direction, all of them went like this before the Lord. And then all of them went like this before. It was very powerful. Quand ils allaient adorer, c'était la même direction. Ils allaient tout le monde comme ceci, les autres comme cela. Number six. Numéro 6. As they worshiped in unison. Quand ils adoraient en unité. From where the Lord lifted me up. Quand Dieu m'a, là où il m'avait monté, fait to monter, see them, pour que je les voie, whenever they went in one direction, là où ils allaient dans la même direction, and changed the shape of the garment, et que je regardais la direction du vêtement, the garment, le vêtement, radiated, gave glory like this, reflection, brillait avec gloire comme ça. It emitted glory like camera flashes, like 1,000 cameras, like this glory, blinding in the eyes. Il brillait avec la gloire, il flashait devant les yeux, et ça brillait dans la gloire partout. Like camera flashes. Comme les caméras flash. The garments were giving glory, like this, too much glory. Le vêtement flashait dans beaucoup de gloire. That is the garment I want to talk about today. Ça, c'est l'habit que je veux parler aujourd'hui. The moment of truth has arrived. Le moment de vérité est venu. Est arrivé. This person that lies down on the airport and sleeps there for 24 hours. Cet homme qui est endormi à l'aéroport pendant 24 heures. Finally, he has come to Amsterdam. Finalement, il est venu à Amsterdam. To talk about the ways of the Messiah. Pour parler du chemin du Messie. Hallelujah. Hallelujah. On the floor of et the airport. Était sur la terre, par terre, à l'aéroport. People are walking. Les gens marchaient. And seeing you there. Et ils me voyaient là-bas. And I was so tired, so I fell asleep. Et j'étais fatigué, je me suis même endormi. Completely. Complètement. But listen to this now. Mais écoutez ceci. This is the conversation that was going on the floor there. Ça c'était la conversation qui avait par terre quand j'étais par terre. At times you wonder. Les temps que vous vous demandez. If I was sleeping in Intercontinental Hotel Presidential Suite. Si je dormais dans la suite présidentielle à l'Intercontinental. With a gym and jacuzzi sauna. Avec gym, sauna et jacuzzi. With a king size bed. Je me demande même avec le lit king size bed. I wonder whether the Lord would have come to tell me this story. Je me demande si Dieu m'aurait parlé de cette histoire. No, I'm just wondering, really. Je me demande vraiment. I wonder. Je me demande. Sometimes I wonder. Parfois je me demande. Hallelujah. Hallelujah. The ways of the Lord. Les chemins de Dieu, les moyens de Dieu. But anyhow. Mais quel que soit. So I saw the church for the first time worshiping inside. J'ai vu la première fois l'église en train d'adorer à l'intérieur. And I saw the garment of the church. Et j'ai vu le vêtement de l'église. La Remember the other vision. Dans l'autre vision, rappelez-vous, when the second Benjamin Netanyahu took place, quand le second Benjamin Netanyahu est arrivé, the garments were glorious. Le vêtement était glorieux. My garment became transfigured. Mon vêtement a été transfiguré. This one now, maintenant, when the pale horse came, quand le cheval rouge est venu, the bloodshed, le sang. In the Arab world, dans le pays arabe, dans le monde arabe, then all of a sudden, et soudainement, I see them with the glorious garment worshiping. Je leur vois avec le vêtement glorieux en train d'adorer. Does somebody understand? Est-ce que quelqu'un comprend? So today I want to talk about that garment. Aujourd'hui, je veux parler de ce vêtement. The garment of the Lord. L'habit de Dieu. And that is the reason the Lord has sent me here. C'est pour cela que Dieu m'a envoyé ici. To talk to you about the garment of the Lord. Pour vous parler de l'habit de Dieu. I am so happy you see me speaking with a smile. Je suis très content, je parle avec joie. Because this is the most powerful message in the Parce church. Parce que c'est un message puissant pour l'église. Because he's saying, parce qu'il dit, that you are the generation, parce que vous êtes la génération, that will prepare the garment of the Lord, qui va préparer l'habit pour Dieu. That is how powerful it is, parce que c'est pour cela que c'est puissant. That you are the people, pour que vous êtes le peuple, that prepare that garment, qui prépare cet habit. That you are the dispensation, que vous êtes la dispensation, that wears that garment, qui porte cet vêtement. The garment of the Lord, l'habit de Dieu. Can I give the third vision? Est-ce que je peux donner la troisième vision? At the airport, that was July 29th. À l'aéroport le 29 juillet 2009. The airport in Johannesburg. À l'aéroport à Johannesburg. I want to give a vision of April 4th. Je vais vous donner la vision du 4 avril. 2012. The Lord slayed me. Dieu m'a amené dans une vision, m'a endormi. In the day. Durant le jour. And then he showed me the sky. Et il m'a montré cela dans le ciel. I saw the visions of Jehovah. J'ai vu la vision de Jéhovah. And I saw the sky. Et j'ai vu le ciel. And all of a sudden, et soudainement, for the first time I saw what it means, heaven recedes. Pour la première fois, j'ai compris quand le ciel renferme. The meaning of recede is this. La signification de renfermer, ça veut dire the full heaven, le ciel plein, and all of a sudden, il renferme. Opposite direction. Direction opposée. I saw heaven recede. J'ai vu le ciel se renfermer. And all of a sudden, I saw the glory of the Lord at the opening there. Soudainement, j'ai vu la gloire de Dieu s'ouvrir. A lot of glory. Beaucoup de gloire. And when I looked there, et quand j'ai regardé là-bas, I realized. J'ai réalisé. Then I realized. J'ai réalisé. That it was the glory, que c'était la gloire, but it was a glorious garment, que c'était un vêtement, un habit glorieux, and that garment, et que cet habit là, was from here, était depuis ici, to here, jusqu'ici, and it was glorious, et c'était glorieux, at the opening like this, quand ça s'est ouvert. And he made me know inside that vision. Et il m'a démontré dans cette vision. As I looked at the entrance open and the glorious garment. Quand je regardais que le ciel s'est ouvert, le vêtement glorieux. At the door. À haut à la porte. He made me know. Il m'a montré it's about the rapture. Que c'est à propos de l'enlèvement. It's about the Messiah come to take the church. Il m'a fait comprendre que c'est le Messie qui vient prendre l'église. He made me know that in the vision. Il m'a démontré cela, il m'a fait comprendre cela. Recently, récemment, again he showed me another vision. Il m'a montré une autre vision. But this time around, mais ce temps-là, he wrote all over the sky, wrote by typed, not hand, typed writing. Il a écrit sur les écriteurs partout dans le ciel. There were small typings and capital letters also. Il y avait des petites écritures, des majuscules et des minuscules. And so I read the capital letters. J'ai lu les majuscules. And he said, et il a dit, deep revelation, une révélation profonde, very good, deep revelation from heaven, une révélation profonde du ciel. And he made me know, et il m'a fait comprendre, that soon that heaven is going to open, que soudainement le ciel va s'ouvrir, and that revelation is going to be revealed to the whole earth, que cette révélation va être révélée pour le monde entier. And he made me know, et il m'a fait comprendre, that it is about his coming, que c'est à propos de son retour. So I want to begin there. Je vais commencer par là. What is the message to the church in Europe? Quel est le message pour l'église en Europe? When the Lord shows me garment, garment, garment, garment, garment. Quand Dieu me montre vêtement, vêtement, vêtement, vêtement. Glorious garment, glorious garment. What is the message to the church? L'habit glorieux, quel est le message pour l'église? Hallelujah. Hallelujah. First of all, premièrement, in this wedding of the Lamb of God, dans cette noce avec l'agneau de Dieu, already the wedding rings are ready. Que déjà les anneaux de noces sont prêts. And we read in the Bible, et nous avons lu dans la Bible, that there is a garment, qu'il y a un habit. And that means, et cela veut dire, that the Lord is saying, que le Seigneur est en train de dire, that if the rings are ready, si les anneaux sont prêts, that means heaven is ready. Cela veut dire le ciel est prêt. Then even the garment must be ready here. Même le vêtement doit être prêt ici dans le monde. That's number one. Ça c'est première chose. In other words, en d'autres mots, every time there is going to be a wedding, chaque fois qu'il doit y avoir un mariage, there must be wedding rings, il doit y avoir les anneaux de noces, and wedding garment, et les vêtements et la robe de mariage. You know that. Vous le savez. Every time you are wedding in this church, vous savez que quand vous avez des mariages dans cette église, or in Holland, en Hollande, people prepare garments, et les gens préparent leurs vêtements. And that's why I'm here. C'est pour cela que je suis là. I'm here that we may prepare garments. Je suis là pour que nous puissions préparer le vêtement, l'habit. Turn with me right away. Tournez maintenant avec moi. Precious people to the Bible. Précieux peuple dans la Bible. Turn with me right away. Tournez avec moi dans la Bible. To the book of Revelation, I'm reading two, only two verses. Je vais lire juste deux versets dans Apocalypse. I'm reading Revelation 19 verse 8 and I'm reading verse 14, only two verses. Chapitre 19, je vais lire juste deux versets. Hallelujah. Revelation 19, Apocalypse chapitre 19, verse 8 and verse 14. Verset 8 et verset 14. Revelation chapter 19 verse 8 and verse 14. Apocalypse chapitre 19 verset 8 et verset 14. He says, il dit, verse 8, verset 8, fine linen, bright and clean, was given her to wear. Fine linen stands for the righteous acts of the saints. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Everybody focus on me. Maintenant, focalisez-vous vers moi. Now we are jumping to verse 14. Maintenant, nous sautons au verset 14. Verse 14, he says. Verset 14 dit. The armies of heaven were following him, riding white horses and dressed in fine linen, white and clean. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Focus on me now. Focalisez-vous maintenant vers moi. The first one we have read, la première écriture que nous avons lue, which is verse 8, qui est verset 8, verse 8, verset 8, is happening here right now here. Est en train de se passer maintenant ici. The Lord is asking the church now. Dieu est en train de demander maintenant l'église. To prepare the fine linen, bright and clean. De préparer le fin linen pur et clair. For the wedding of the Lamb has come, is near. Parce que l'agneau de Dieu est prêt de venir. But the one in verse 14. Mais celui de verset 14. That is after the wedding of the Lamb has taken place. Ça c'est après les noces de l'agneau ont déjà eu lieu. If you check very carefully. Si vous vérifiez vraiment avec attention. That is the Messiah. Ça c'est le Messie. He is going back to Jerusalem. Il repart à Jérusalem. And is coming with the armies of heaven. Et il vient avec les armées du ciel. But if you check the garment they are wearing, mais si vous voyez l'habit qu'ils portent, it is the same garment they prepared in Amsterdam. C'est le même habit que Amsterdam est en train de préparer. Let me repeat this. Et laissez-moi répéter encore ceci. The garment you prepare for the Lord today, l'habit que vous préparez pour Dieu aujourd'hui, has eternal consequences. A une conséquence éternelle. Nobody heard that. Est-ce que quelqu'un a compris? The garment you prepare today for the coming of the Messiah, l'habit que vous préparez aujourd'hui pour le retour du Messie, the fine linen, bright and clean, le fin lin pur, éclatant et clair. If you are wise, si vous êtes sage, and prepare it well, et que vous préparez le bien, it has eternal consequences. Ça a une conséquence éternelle. Because, parce que, at rapture, they go with it into heaven. À l'enlèvement, ils partent avec dans le ciel. They enter the wedding feast of the Lamb of God with that garment. Ils entrent dans la célébration du mariage avec l'habit. And when they come back, they're wearing the same garment. Et quand ils retournent, ils portent le même habit. Europe. Europe. Let nobody lie to you. Que personne ne vous mente. Because in Europe, so many people are lying to the church. Parce qu'en Europe, beaucoup de gens mentent à l'église. Oh, which one do you believe in? Qui vous croyez? You know, I'm a student of the pre-tribulation. Oh, je suis l'étudiant de la pré-tribulation. I am a student of mid-tribulation rapture. Je suis... Pre-tribulation rapture. Mid-tribulation rapture. Post-tribulation rapture. Oh, je suis l'étudiant du mid-tribulation, de après-tribulation ou de avant-tribulation. Let nobody lie to you, Europe. Personne ne vous mente, Europe. Pastors, let nobody lie to you. Que pasteur, personne ne vous mente. And say, me, I believe in the post-tribulation. Which means the rapture will not take place until after tribulation. Que je crois que l'enlèvement viendra après les tribulations. Let nobody lie to me, I believe in the mid-tribulation. Que je crois au milieu de la tribulation. Let me give you the truth today. Laissez-moi vous dire la vérité aujourd'hui. Number one. Numéro un. I have seen the coming of the Messiah. J'ai vu le retour du Messie. Number two. Deuxièmement. The most important thing. La plus grande chose importante. Is that the Messiah comes like a thief. Le Messie vient comme un voleur. Number three. Troisièmement. Is that when the Messiah comes like a thief. Quand le Messie vient comme un voleur. Let him find you ready. Qui vous trouve prêt. It does not matter which school of thought. Et cela n'a pas d'importance de quelle étude biblique tu viens. But let me jog your mind a little bit. Laissez-moi un peu ouvrir vos mémoires. Look at this now. Maintenant, écoutez ceci. The Bible says in the book of 2 Thessalonians. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens. Chapter 2. Chapitre 2. Beginning verse 3, 4 up to 7. Verset 3, 4 jusqu'à 7. And he says. Il dit. That the spirit of Antichrist is already in operation. Que l'esprit de l'Antichrist est déjà en préparation. However. Quel que soit. The person of Antichrist. La personne de l'Antichrist. Will not be revealed. Qu'il ne soit pas révélé. Until he that holds him. Jusqu'à ce que celui qui le tient. Has been taken out of the way. Qu'il soit enlevé du chemin. Did somebody hear that? Est-ce que vous avez compris cela? He says, il dit, that already you can see in Europe they are removing God from their constitutions. Vous voyez que les gens commencent à enlever les dieux dans leur constitution. Everything Antichrist is already in operation. L'Antichrist est déjà en opération. But he's saying, mais il dit, however, quel que soit, the person of Antichrist, la personne de l'Antichrist, will not be revealed, ne sera jamais révélée, until he that holds him back, jusqu'à ce que celui qui le retient, has been taken away, soit enlevé. Did you understand that clearly? Avez-vous entendu clairement cela? And then the question becomes, maintenant la question vient. Who is it that holds the Antichrist? Qui retient maintenant l'Antichrist? It is the Holy Spirit. C'est le Saint-Esprit. That holds the Antichrist. He is the only one with power to hold him back. Qui retient l'Antichrist, qui a le pouvoir de le retenir. Have you understood up to there? Est-ce que avez-vous compris jusqu'à But if you go to 1 Corinthians chapter 6. Mais si vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 6. And you begin reading from verse 12 to verse 20. Que vous allez de verset 12 à 20. Somewhere in the middle. Quelque part dans le milieu. You will find him saying, vous allez trouver en train de dire, don't you know, don't ye know, know ye not, don't you know that you are the holy temple of the Holy Spirit? Est-ce que vous ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Don't you know that? Est-ce que vous ne savez pas? That you are the holy tabernacle of the Holy Spirit. Que vous êtes le saint tabernacle du Saint-Esprit. The holy dwelling of the Holy Spirit. La demeure temple du Saint-Esprit. The holy habitation of the Holy Spirit. Le temple du Saint-Esprit. Don't you know that? And he says, you cannot mix your body with sexual sin because you are the temple of the Holy Ghost. Parce que vous ne pouvez pas mélanger votre corps avec le sexe parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. When I teach about the midnight hour, quand je vais parler de l'heure de minuit, you'll see me read Matthew 25. Vous allez me comprendre que je serai en train de lire Matthieu 25. When he talks about the foolish virgins, the wise virgins. Quand il est en train de parler des 10 vierges, les 5 folles et les 5 sages. And he says, et il dit, that the wise virgins, que les 5 vierges sages, is the church that enters, c'est l'église qui entre, into the kingdom of God, dans le royaume des cieux. And the only difference between the foolish and the wise virgins, et la différence entre ceux qui sont sages et ceux qui sont folles, is because the wise virgins, c'est parce que les sages vierges, they carry a jar of oil, ils ont une lampe avec eux. And he says, et il dit, that the wise virgins are the vessel. Les vierges sages sont les vaisseaux. Of the Holy Spirit. Du Saint-Esprit. They contain him. Ils contiennent le Saint-Esprit. That's why they enter. C'est pour cela qu'ils sont entrés. So tell me. Alors dites-moi. If the vessel, the habitation. Si le vaisseau. Habitation. De l'habitation. The tabernacle. Le tabernacle. The dwelling. La demeure. Of the Holy Spirit, du Saint-Esprit, is taken away at rapture. Est pris lors de l'enlèvement. Does the Holy Spirit remain? Est-ce que le Saint-Esprit reste? The church in Europe needs to mature up finally. Non, l'église de finally, l'Europe. Finally, you must mature. Vous devez maturer finalement. Vous devez être mature. Once you take the whole church. Quand vous prenez l'église sainte. Which is the holy vessel of the Holy Spirit. Qui est le vaisseau saint. A dispensation of grace has come to an end. La dispensation de la grâce a été mise fin. The Holy Spirit will be taken at rapture. Be careful. Le Saint-Esprit va être enlevé pendant l'enlèvement. And that's why after the rapture, c'est pour cela qu'après l'enlèvement, the whole world becomes ripe, ripens, instant ripe like this. Le monde entier va être maintenant en pleurs. For the Antichrist to rise and take power. Parce que l'Antichrist va prendre le pouvoir. Did you understand that? Est-ce que vous avez compris ce? So let nobody fool around with you. Comme maintenant quelqu'un ne vous trompe plus. You just prepare for the coming of the Lord. Vous devez préparer pour le retour de Dieu. Because parce que he's saying parce qu'il dit that when the rapture takes place, quand l'enlèvement prend place, and the vessel, the container of the Holy Spirit is taken, et le vaisseau, le contenant du Saint-Esprit est pris, then après, he says, il dit, then even the Holy Spirit goes. Même le Saint-Esprit quitte. And when that happens, et quand cela se passe, listen to me now. Écoutez-moi maintenant. Then the Antichrist can be revealed. L'Antichrist peut maintenant être révélé. Has somebody followed me? Est-ce que quelqu'un m'a suivi? So nobody lies to you, right? Que maintenant quelqu'un ne vous trompe plus. So if you prepare your garment right now, si vous préparez maintenant l'habit, it has eternal consequence. Cela a une conséquence éternelle. Number two, let us read another scripture. Numéro 2, on va lire une deuxième écriture. The garment of the Lord. Le vêtement de Dieu. The book of Zechariah chapter 3. Le livre de Zacharie chapitre 3. Verses 1 to 6. Zacharie chapitre 3 verset 6. Zechariah chapter 3. Zacharie chapitre 3. Verses 1 to 6. Verset 1 à 6. And what I'm giving you today, ce que je vous donne aujourd'hui, if you catch it, si vous attrapez cela, you can run all the way into heaven. Vous pouvez aller directement dans le ciel. Zechariah chapter 3, 1 to 6. Chapitre 3, verset 1 à 6. Zacharie, chapitre 3, verset 1 à 6. He says, il dit, then he showed me Joshua, the high priest, standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right side to accuse him. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. The Lord said to Satan, the Lord rebuke you, Satan. The Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. Is not this man a burning stick snatched from the fire? L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas un tison arraché du feu? Number 3 is for you. Verset 3, c'est pour vous. Now Joshua was dressed in filthy clothes as he stood before the angel. Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. And he says, et il dit, and the angel said to those who were standing before him, take off his filthy clothes. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Then he said to Joshua, see, I have taken away your sins and I will put rich garment on you. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. Then I said, put a clean turban on his head. So they put a clean turban on his head and clothed him while the angel of the Lord stood by. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. The angel of the Lord gave this charge to Joshua. This is what the Lord Almighty says. If you will walk in my ways and keep my requirements, then you will govern my house and you will have charge of my courts and I will give you a place among these ones standing here. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi par l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Amen. Amen. Now listen to me, precious people. Écoutez-moi, précieux peuple. What is the message of the Lord there? Quel est le message de Dieu là? With regard to the visions I have shared with you regarding the glorious garment of the Lord. Selon les visions que je vous ai partagées à propos de l'habit glorieux de Dieu. We see very clearly. Nous voyons clairement that Joshua here, que Josué ici, represents the nation of Israel. Représente la nation d'Israël. Joshua stands for Israel. Joshua représente Israël. The nation of Israel, la nation d'Israël, was raised by Jehovah, a été montée par Jéhovah, as a priestly nation, comme un peuple de sacerdoce. When he raised Israel, quand il les a fait monter, he wanted that when Israel worships Jehovah, il voulait que quand Israël adorer Jéhovah, perfect worship, une adoration parfaite, and the glory comes down, et la gloire venait, and Israel becomes the nation whose God is Jehovah, et Israël devient la nation dont Jéhovah est Dieu. And when they worship and Jehovah comes, et quand ils adorent et que Jéhovah vient, then Israel is now different from other nations. Israël est maintenant différent des autres nations. And he wanted, et il voulait, that when Israel is in perfect standing with God, quand Israël est en parfait statut avec Dieu, that whoever blesses Israel, que n'importe qui bénira Israël, the Lord will bless that person. Dieu bénira cette personne. And whoever will attack Israel, et que n'importe qui attaquera Israël, the Lord will attack this person. Dieu l'attaquera. In that way, dans ce chemin, dans ce moyen, Israel becomes the nation whose God is Jehovah. Israël est devenu la nation où Jéhovah est Dieu. Number two. Deuxièmement. He says, il dit, When Israel is worshiping Jehovah, quand Israël adore Jehovah, and the nations watch, et les nations regardent, they see the blessings of God on Israel. Ils voient les bénédictions d'Israël sur Israël. All the nations, toutes les nations, around Israel, autour d'Israël, they will long to worship the God of Israel. Ils désireront de louer le Dieu d'Israël. Number four. Quatrièmement. In that way, dans ce temps-là, that's why you see, c'est comme ça que vous voyez, he is talking about the taban, the taban. Il est en train de parler du tabernacle. The taban is the symbol of priesthood. C'est le signe de du sacerdoce. The taban. Le turban. And if you look at the taban of the high priest in Israel, quand vous regardez le turban en Israël, when you look at the taban of the high priest in Israel, quand vous regardez le turban du sacerdoce en Israël, there was a folding here, folding here. Il y avait un fil comme ça. And inside the folding, there is a writing that is inserted. Et il y avait des écritures dans le turban. A writing has been pushed inserted inside. Et il y avait des écritures à l'intérieur du turban. And that writing, if they remove it and you read it, et s'ils enlèvent pour que vous voyez les écritures pour que vous lisiez, it says, il dit, holy unto the Lord. Sainteté à Dieu. But now look at this. Mais maintenant écoutez ceci. When Israel, quand Israël, the priestly nation, la nation du sacerdoce, when she filthifies and defiles her priestly garment, quand ils avaient leur vêtement de sacrificateur, Sali spoiled the garment, the priestly garment. Quand ils ont eu le salut du le vêtement contamination, when she defiles and contaminates and pollutes her garment. Quand elle définit et elle salit son vêtement sacerdotal. Listen what happens. Écoutez ce qu'il veut dire. Then, après, the devil, le diable, when Israel comes before Jehovah to worship, quand Israël vient devant Jéhovah pour adorer, the devil appears on the right side. Le diable était à côté, du côté droit. Begins to claim right over Israel. Il a demandé le droit sur Israël. Why? Pourquoi? In this country, dans ce pays, you have the passport. Vous avez les passeports. You have the Dutch passport. Vous avez les passeports néerlandais. The Netherlands passport. Vous avez le passeport néerlandais. Hello, we are calling from Chicago. Oh, nous appelons de Chicago. There is somebody here who has had an accident and the passport is a Dutch passport. Oh, il y a quelqu'un qui a eu un accident et cette personne a un passeport néerlandais. Oh, really? Oh, oui. What is the number? Quel est son numéro? We check. On vérifie. Oh yes, that is a citizen. Please treat him very well. We will pay you back. Oh, c'est un citoyen néerlandais. Prenez soin de lui, on va vous payer. Every country has a passport. Chaque pays a un passeport. The passport is the symbol of identity of the people of that nation. Le passeport est le symbole de l'identité du peuple de cette nation. The same thing, la même chose, happens with the Lord. Se passe avec Dieu. When the Lord created the church, quand Dieu a créé l'église, let me go to Israel first. Attends que j'aille d'abord en Israël. The Lord gave Israel a certain identity. Dieu a donné Israël une certaine identité. And now, et maintenant, when Israel allowed the devil, quand Israël permet le diable, she begins to preach prosperity. Il commence à prêcher la prospérité. Prosperidad, prosperity all the time. La prospérité tout le temps. She does not preach holiness. Il ne prêche pas la sainteté. She begins to put money here, get something here. Il met de put money, get miracles here. Il met de l'argent ici, il reçoit des miracles de l'autre côté. She begins corruption. Il commence la corruption. Women are just coming in the church. Nobody is telling them, be holy, Jehovah is holy. Les femmes viennent à l'église, personne ne leur dit, soyez saintes parce que Dieu est saint. When that happens, quand cela se passe, then the devil, le diable, he has already come to Israel, il est déjà venu en Israël, and he has put his mark on Israel. Et il a déjà mis sa marque en Israël. So when Israel comes to worship, quand Israël revient pour adorer, the devil appears, le diable apparaît, to claim right over pour Israel, demander son droit sur Israël, to say she is mine, pour qu'il dise c'est le mien, il m'appartient Israël. Why? Pourquoi? Because Parce que sexual sin belongs to Satan. Péché sexuel appartient au diable. And then now Israel is in sexual sin. Et maintenant Israël est dans le péché sexuel. She has the identity of the devil. Il a l'identité du diable. I am coming to the church. Je viens à l'église. I am going to come to the church. Let me handle Israel first. Je viens à l'église. Attends que je puisse finir avec Israël. The same thing in the church. La même chose à l'église. The church. L'église. You have been called by Jehovah. Vous avez été appelé par Jehovah. Today I read. Aujourd'hui j'ai lu. And he said, a royal priesthood. Un peuple royal sacerdotal. You have become a holy nation to the Lord. Vous êtes une nation sainte devant Jehovah. That you may offer sacrifices acceptable to Jehovah through Christ Jesus. Pour que vous vous sacrifiez, acceptez Jésus Christ comme Seigneur. Oh. That's very powerful. Ça c'est très puissant. Because we are not Levites. Parce que nous sommes plus les Lévitiques. We are not Levites. Nous ne sommes plus les Lévitiques. And then all of a sudden, the Lord has admitted you. Et maintenant Dieu vous a admis. Nous ne sommes plus des Lévites. He has now admitted you to offer sacrifice. Maintenant il vous a admis pour que vous puissiez faire des sacrifices. But when you will filthify, maintenant si vous purifiez, contaminate, si vous contaminez. The glorious garment I talked to you about. La glorieuse habit que je vous ai parlé. When the church appears to worship. Maintenant que l'église apparaît pour adorer. The devil claims right over the church. Le diable maintenant demande droit sur l'église. That's what you see in Europe now. Ça c'est ce que vous voyez maintenant en Europe. That is what's happening in the church. C'est ce que vous voyez à l'église. There is homosexuality out, there is homosexuality in the church. Il y a l'homosexualité à l'extérieur, il y a l'homosexualité à l'église. It's happening here. Ça se passe ici. There is lies. Il y a des mensonges. Mentirosos in Spanish. There is lies in the church, lies out there. Il y a des mensonges à l'extérieur, il y a des mensonges dans l'église. The church is wearing the identity of Satan. L'église porte l'identité du diable. The identity of the world. L'identité du monde. But you see, when the Lord says to Joshua, if you will follow my decree. Parce que vous voyez que Dieu dit à Joshua, si vous ne faites pas vos déclarations. My command. Si vous ne suivez pas mes commandements. My requirements. Mes ordonnances. My ordinance. Mes ordonnances. Then. Après, I will take away your filthy garment. Je vous enlèverai le vêtement là, le fin. And now, put on you a rich garment. Maintenant, mettez sur vous un vêtement riche. That is what the Lord is saying to the church in Amsterdam. C'est ce que Dieu dit à l'église à Amsterdam. The Lord is saying. Dieu dit. Right now. Maintenant. It does not matter how filthy the garment is. Cela n'est pas maintenant important le temps qu'il est. Whether the garment is very, very filthy. Que le vêtement est sale ou pas. The church is still the bride of Christ. L'église est toujours l'épouse de Christ. There is no other. Il n'y a pas un autre. You are still the bride. Vous êtes toujours l'épouse. But if you will accept. Si vous acceptez. To repent. De se repentir. Turn away from sin. De vous tourner vers le sin. And then be given a new garment for this hour. Que vous commencez à nouveau maintenant à cette heure-ci. He says, il dit, inherit the kingdom of God. Vous allez hériter le royaume des cieux. Turn with me, precious people. Tournez avec moi. To the book of Exodus, chapter 28, verses 1 and 2. I want to finish. Dans le livre d'Exode, 28, verses 1 and 2. Chapitre 28, versets 1 à 2. Okay, now Exodus 28 verses 1 to 2. Exode chapitre 28 verset 1 à 2. He says, have Aaron your brother brought to you from among the Israelites along with his sons Nadab, Abihu, Eleazar and Ithamar so they may serve me as priests. Fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils. Et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Eleazar et Ithamar, pour qu'ils me servent comme sacerdoce. Oui. He says, make sacred garments for your brother Aaron to give him dignity and honor. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. This is very critical right Ça, now. Ça, c'est très important maintenant. What is he talking about here? Qu'est-ce qu'il est en train de parler ici? Listen to what he's saying. Écoutez ce qu'il dit. Aaron was living in the camp. Il vivait dans le camp. With all the Israelites. Avec tous les Israélites. Going here. Elle allait là-bas. Just there. Juste comme ça. Sitting with people talking stories. S'asseoir avec les gens pour parler des histoires. About Egypt. À propos de l'Égypte. He was living a casual life. Il vivait une vie normale. Aaron was living a casual life where? In the camp. Aaron vivait une vie normale dans le camp. Until jusqu'à ce que when the Lord spoke to Moses about Aaron. Jusqu'à ce que Dieu parle à Moïse à propos d'Aaron. Aaron was a normal citizen, usual citizen. Aaron était un citoyen normal comme les autres. Living with everybody normal. Qui vivait avec tout le monde normalement. But when the time came, quand le temps est venu, the Lord spoke to Moses about Aaron. Dieu a parlé à Moïse sur Aaron. And he told Moses. Et il a dit à Moïse. He says, let Aaron be brought to you from among. From there be brought to you. Que Aaron soit amené et qu'il soit amené et qu'il soit enlevé parmi les autres. What is the meaning of that? Qu'est-ce que cela veut dire? Meaning, cela veut dire, let Aaron be separated for you. Laisse que Aaron soit séparé pour toi. When the Lord began to call Aaron, the first thing was to separate Aaron from the rest. Quand Dieu a appelé Aaron, il fallait qu'il le sépare du reste des autres. Number two. Numéro deux. And then he said, il dit, now I want to call Aaron to be a priest of Jehovah. Je veux que Aaron soit un sacrificateur pour Jéhovah. Meaning, I want Aaron to sacrifice at the altar now. Je veux que Aaron maintenant fait des sacrifices à l'autel maintenant. But before Aaron can appear before me. Avant que Aaron apparaisse devant moi. This is what you must do. C'est ce que vous devez faire. He says, il dit, you must prepare for Aaron a sacred garment. Vous devez préparer pour Aaron un vêtement sacré. And he says, et il dit, that when you will give Aaron that sacred garment, et quand vous allez donner à Aaron ce vêtement sacré, to wear, pour qu'il porte, that garment, ce vêtement, will give Aaron, va donner à Aaron, dignity and honor before Jehovah. Dignité et honneur devant Jéhovah. The other days, les autres jours, it is as if, il s'est comme si, Aaron was walking naked here without clothes. Aaron marchait nu sans habit. When it's time for Aaron to appear before the Lord, maintenant que Aaron doit apparaître devant l'Éternel, then all of a sudden, soudainement, there is a protocol. Il y a un protocole. Protocol. Il y a un protocole. Aaron must now wear a garment. Maintenant, Aaron doit porter un habit. Hey. Hey. And that garment when Aaron wears, et que cet habit que Aaron porte, it will prepare Aaron for appearing before the king. Ça va préparer à Aaron à apparaître devant le roi. Hallelujah. Hallelujah. Now the Lord has sent me to Europe. Maintenant Dieu m'a envoyé en Europe. For a very long time. Pour un long temps. The church in Europe, depuis longtemps, l'église en Europe, has been living anyhow inside the camp. A vécu comme il voulait dans le camp. Anything happens, it's okay, you know, I'm just born again. Oh, you toute know? Chose se passe, je suis né de nouveau. I belong to a church, I'm Holy Ghost filled, you know. J'appartiens à une église, je suis rempli du Saint-Esprit. Well, I'm, you know, I love Jesus. Oui, j'aime Jésus. But we live in modern Europe. Mais nous vivons dans une Europe moderne. And so the Christian life in the church, et l'église, le chrétien à l'église en Europe, has been mixed with the world. A été mélangé avec le monde. And the Lord has sent me here now. Et l'Europe m'a envoyé ici aujourd'hui. And I stood here. Et j'ai été ici. And I announced. Et j'annonce. I said. Je dis. Behold. I have already seen the church appearing. J'ai déjà vu l'église apparaître. Before the throne. Devant le trône. To worship the Lord. Pour adorer Dieu. Meaning. Cela veut dire. This is the hour. Ceci est le temps. For appearing before the throne. Pour apparaître devant le trône. You know, from my ministry, my calling. Depuis mon ministère. When I tell you that I have seen the church before the throne. Quand je dis que j'ai vu l'église devant le trône. It means a prophecy. Cela veut dire une prophétie. It means. Cela veut dire. That very soon the church will appear. Très bientôt l'église apparaîtra. But I told you. Mais je vous ai dit. That when I saw the church appearing. Quand je vois l'église apparaître. There was a garment. Il y avait un vêtement. And that garment. Et cet habit. When it's time to appear. Quand c'est le temps d'apparaître. You must now have the garment. Vous devez avoir maintenant l'habit. Did you understand? Est-ce que vous avez compris? Did you understand this very clearly? Est-ce que vous avez compris clairement? You cannot just go. So listen to me now. Maintenant écoutez-moi. He's saying. Il dit. In all the other days. Dans tous les jours. The many years. Beaucoup d'années. The church in France. L'église en France. In Paris, France. À Paris, en France. Has been living normally. A vit normalement. Are you a Christian? Yes, I'm a Christian. Êtes-vous chrétien? Oui, je suis chrétien. But he's saying, however. Mais il dit, quel que soit. When the hour to appear before the Lord arrives. Quand l'heure vient d'apparaître devant l'Éternel. Then there is now a protocol. Maintenant, il y a un protocole. There is a garment. Il y a un habit. A garment. Un vêtement habit. There is a garment. Il y a un vêtement, un habit. And he says. Et il dit. That if you don't wear that garment. Que si tu ne portes pas cet habit. It is as if you are nude before the Lord. C'est comme naked. Si tu es nu devant l'Éternel. If you read Revelation chapter 16 verse 15. Si vous lisez Apocalypse chapitre 16, verset 16. He says, behold, I come like a thief. Il dit, éveillé, je viens comme un voleur. And blessed is he who stays awake. Et bénis sont ceux qui restent éveillés. And keeps his garment on him. Et qu'ils ont leurs habits sur eux. That he may not go naked. Qu'ils ne puissent pas partir nus. Nude. Nu. And be shamefully exposed. Et qu'il soit exposé dans la honte. You see that? Vous voyez cela? Either you are wearing the garment of the Lord or you are naked. Soit vous êtes habillé l'habit de Dieu ou vous êtes nu. And he says. Et il dit. When you will prepare the garment of the Lord. Si tu prépares l'habit de Dieu. You will be like Aaron. Tu seras comme Aaron. Such that when you appear before the Lord, si tu apparais devant Dieu, it will give the church, il donnera à l'église, dignity and honor, dignité et honneur. Listen to this. Écoute-moi ceci. Why dignity and honor? Pourquoi dignité et honneur? Dignity and honor to who? Dignité et honneur pour qui? Listen to this. Écoutez ceci. Dignity and honor. Dignité et honneur. When the church wears the glorious garment of Jehovah. Quand l'église porte l'habit glorieux de Jéhovah. She will have dignity and honor. Il aura la dignité et l'honneur. Before the Lord. Devant le Seigneur. And before men. Et devant l'homme. So when people look at the church, quand les gens regardent l'église, wearing the glorious garment of the Lord, en portant le vêtement glorieux de Dieu, which is the righteousness of God, qui est la droiture de Dieu, everybody in the world, tout le monde dans le monde, will respect and honor the church, va respecter et honorer l'église, when they see you with righteousness, quand ils vous voient avec la droiture, they will say, ils diront. Is there anybody in this company? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette entreprise? We have a new position. Nous avons une nouvelle position. We want somebody very trustworthy who can be trusted with financial resources. Nous voulons quelqu'un avec confiance pour lui donner des ressources, des moyens de finance. We have a new project. Nous avons un nouveau projet. And we are looking for somebody who is very trustworthy. It's a special project. Et nous voulons quelqu'un qui est fidèle parce que c'est un grand projet. And everybody in the company. Et tout le monde dans l'entreprise. He said, it is Jen. Ils diront, c'est lui. She is the one who is born again. C'est laquelle qui est née de nouveau. It will be obvious. Ça sera très clair. The Lord will honor the church. Dieu honorera l'église. When the church speaks, quand l'église parlera, even the government will listen. Même le gouvernement écoutera. Those things give the church dignity and honor. Ces choses donnent dignité et honneur à l'église. Hey. Even in Europe, même en Europe, you need a righteous church. Vous avez besoin d'une église droite. You need a holy church. Une église sainte. So that when the church speaks, que quand l'église parle, the presidents and the kings will come and ask the church, what is the way forward? Le président et le roi vont demander qu'est-ce qui s'en vient pour le pays. When the Lord sees a church, quand le monde voit l'église, that is wearing the glorious garment of the Lord, qui porte le vêtement glorieux du Seigneur, she will have dignity and honor. Elle aura dignité et honneur before the Lord, devant l'Éternel, and before the world, et devant le monde. You people, you need a church. Oh, vous avez besoin d'une église. A church that can help the nation of Europe. Une église qui peut aider la nation de l'Europe. But if the pastors in Europe continue living on the stomach. Mais si les pasteurs en Europe commencent à vivre juste sur l'estomac, le ventre. I see you living on the stomach. Je vois que vous vivrez sur le ventre. They say a strong army fights on the stomach. Ils disent qu'il y a un strong, il y a une armée forte dans l'estomac, dans le ventre. But please. Mais s'il vous plaît, let us fight on the sword. Mais maintenant combattez pour ce monde. Don't preach the gospel of the stomach. Ne prêchez pas la prédication du ventre. When the church will wear the garment of the Lord, quand l'église portera le vêtement de Dieu, dignity and honor. Dignité et honneur. Next, precious people. Une prochaine chose. The book of 1 Corinthians chapter 15. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Verses 50 to verse 56. Verset 50 jusqu'à verset 66. Again. Encore. 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Verses 50 to 56. Verset 50 à 56. Hallelujah. Hallelujah. Today is today. Aujourd'hui c'est le jour J. There is no corruption today. Il n'y aura pas de corruption aujourd'hui. I think corruption has come to an end. Je pense que la corruption est venue à la fin. Stop preaching the gospel of the stomach. Arrête de parler, de prêcher la prédication du ventre. The gospel of sandwiches and chicken and French fries and rent. La prédication des frites, de la viande, du loyer, loyer, loyer. And rent. Et loyer. Consecrate that gospel. Consacre cette parole. Because now it is desecrated. Parce que maintenant c'est déconsacré. That's why in Europe. C'est pour cela qu'en Europe. The Dutch people. Les Hollandais. The Dutch people. Les Néerlandais. Let's say you are an African in Amsterdam. Laisse-moi vous dire si vous étiez un Africain. And you go to the Dutch people. Et que vous allez vers les Néerlandais. And you say, please. Et vous leur dites, s'il vous plaît. I want you to receive Jesus. Je veux que vous receviez Jésus. They will say, are you kidding with me? Are you playing around with me? Est-ce que tu joues avec moi? Which Jesus are you talking about? Quel Jésus tu es en train de parler? Because they have seen the behavior of the church. Parce qu'ils ont vu les caractères de l'église. And they are very intelligent. Et ils sont très intelligents. You cannot lie to them. Tu ne peux pas les mentir. If you want to preach the gospel of righteousness, si tu veux leur parler de la bonne nouvelle de you yourself must first walk in righteousness. Tu dois d'abord toi marcher dans la droiture. Today here, aujourd'hui ici, I see a pastor. Je vois les pasteurs. And two women are fighting for him. Et deux femmes sont en train de se combattre. And the real wife is in the train. She's crying. Et la vraie femme est dans le train en train de crier, de pleurer. She's crying. Elle crie, elle pleure. The pastor has gone with another girl. Le pasteur est parti avec une autre fille. And the friends of the pastor. Et les amis du pasteur. They are trying to come. Say, please, please, please, please, please. Dire, s'il vous plaît, respect, please, maman, respect, respect. S'il vous plaît, maman, respect. Please, please. Respect. And she has run to the train station. Elle est partie aux stations de train. And the windows, the train is passing, so the windows, she's looking. Et les fenêtres du train passent, elle regarde. To see her husband with another woman. Pour voir son mari avec une autre. That is very sick. Ça c'est trop malade. Something is wrong. Quelque chose est faux. That is the image of the church in Europe. Ça c'est ce qui est dans l'église en Europe. There is no dignity and honor. Il n'y a plus de dignité et honneur. And yet the Messiah is coming. Alors que le Messie revient. 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Verses 50 to 56. Verset 50 jusqu'à 56. The moment of truth is today. Le moment de la vérité est venu. I come with a sword. Parce que je viens avec un épée. I begin to cut the tumors, I cut them, I cut. Je coupe les tumeurs, je les enlève. And I use a fork to remove them. Et je prends une fourchette pour les prendre. And I throw it down, I say, why? Et je mets ça par terre, je dis, allez! Do you leave the tumors? No. Est-ce que tu as vu les tumeurs? I finish, I go. Je finis, je pars. I am not coming to tell the church, oh, don't worry, can you bring some money? Oh, wonderful, hermoso, oh, chiquita. I don't do that. Je suis pas venu aller en Europe pour dire, oh, église, tu es beau, oh, tu es une belle fille. To cover the church with milk and honey. Pour couvrir l'église avec le lait et le miel. When she is sinking in filthy sin. Quand elle est alors en train de s'asseoir dans un profond péché. If I do that, si je fais cela, God can even kill me in front of you. Dieu peut me tuer devant vous. He can kill me here. Il peut me tuer. God is not a joke. Dieu n'est pas un jeu. I don't know which God people in Europe are worshiping. Je ne sais pas quel Dieu l'Europe vous adorez. But the God that I worship, le Dieu que j'adore, when I speak, I see many people have died in Sichuan earthquake. J'ai vu beaucoup de gens mourir dans le tremblement de terre. In Haiti, 300,000. En Haïti, 3,000 personnes. In Chile, he demolished the country. En Chili, il a détruit le pays. That is the God I serve. Ça, c'est le Dieu que je sers. He's a fearful God. C'est un Dieu de crainte. A consuming fire. Un Dieu qui consomme par le feu. But the God you serve in Europe is sweet God. Sweet. Le Dieu que vous servez en Europe est très bon, oh, très sucré. We are in the dispensation of the grace. Oh, nous sommes dans la dispensation don't do de la that. Grâce. Don't do that. You are hurting the sheep. Oh, ne faites pas cela. Tu es en train de détruire les brebis, de leur faire mal. You are hurting the sheep. Oh, tu es en train de faire mal les brebis. I want to hurt the sheep. Je veux faire mal aux brebis. That when they are hurt, pour que quand ils auront mal, they will be on the right road. Ils seront sur la bonne route. So at the end, à la fin, at the end, à la fin, then they will say, wow, that man loved us. Ils diront, cet homme nous aime. Because we entered the kingdom parce of God. Parce que nous avons entré dans le royaume. 1 Corinthians chapter 15 verse 50. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50. He says, I declare to you brothers that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. And he continues to say, et il continue à dire, listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Now he is talking about the rapture of the church. Dans ce moment, il parle de l'enlèvement dans l'église. Now he is talking about the rapture of the church. Il est en train de parler de l'enlèvement dans l'église. He says we will not all sleep, but we will all be changed. Il dit que tous nous ne mourrons pas, mais nous serons changés. In a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous nous serons changés. Verse 53 is for this church. Verset 53, c'est pour cette église. For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with the immortality. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. And he continues to say, et continue à dire, he says here, il dit ici, and he says, for the perishable must clothe itself with the imperishable and the mortal with immortality. When the perishable has been clothed with the imperishable and the mortal with immortality, then the saying that is written comes true. Death has been swallowed up in victory. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se accomplira la parole qui est écrite. Listen to this now. Écoutez maintenant. What is he talking about there? Qu'est-ce qu'il dit là? He's talking about. Il est en train de parler. The rapture of the church. L'enlèvement de l'église. He is talking about. Il est en train de parler. The coming of the Messiah. Le retour du Messie. And he's saying. Et il dit. That when the rapture of the church takes place. Quand l'enlèvement aura lieu. That is what he's saying. C'est ce qu'il dit. That when the rapture of the church takes place, quand l'enlèvement aura lieu, that the perishable, que l'incorruptible, must first be changed, doit d'abord être changé, to where the imperishable, pour ceux qui ne périssent point. The perishable, ceux qui périssent, must first be changed to imperishable, doit être changé dans ce qui n'est pas périssable. The mortal, les mortels, to immortality, dans l'immortalité. And he's saying, et il dit, the flesh and blood, et la chair et le sang, will not inherit the kingdom of God, n'héritera pas le royaume des cieux. The corruptible, les corruptibles, must become incorruptible, doit devenir l'incorruptibilité. Then the question becomes this. Maintenant la question vient. Number one, numéro un. Why is the church in Europe walking in the flesh and blood? Pourquoi l'église en Europe marche dans le sang et dans la chair? Number two. Deuxièmement. How do you get rid of the mortal? Comment maintenant vous allez enlever la mortalité? Hallelujah. Hallelujah. When Jesus went to the cross. Quand Jésus est parti sur la croix. He crucified the flesh. Il a crucifié la chair. The church. L'église. And the spiritual church was birthed out. Et l'église spirituelle est venue. A spiritual church came out. L'église spirituelle est apparue. When the flesh was crucified. Quand la chair a été crucifiée. The physical church. L'église physique. The spiritual church came out. L'église spirituelle est apparue. Fasting is very important. Jeûner, c'est très important. Fasting is very key. Jeûner, c'est la clé importante. Extremely key. Très extrêmement important. When you fast, quand tu jeûnes, you cut the flesh. Tu coupes la chair. The church in Europe, l'église en Europe, I don't know how you fast. Je ne sais pas comment vous jeûnez. But when I say fast, mais quand je dis jeûner, cut water, vous coupez l'eau, no water, aucun l'eau, no juice, aucun jus, no food, aucun manger, no TV, aucun télévision, no newspaper, aucune nouvelle, no nothing, rien. The way Jesus fasted, la façon que Jésus a jeûné. You will find that when you reach day six, day number six. Vous allez trouver quand vous allez atteindre le jour six. The medical say that day number six, the man will die. La médecine dit que le jour six, l'homme va mourir. And day number seven, the woman will die. Et le jour sept, la femme mourira. You need to fast to kill the flesh. Vous avez besoin de jeûner pour couper la chair. You know the flesh is what makes the church not sensitive in the spirit. Vous connaissez que la chair ne rend pas sensible ce qui est spirituel. Because she is in the flesh. Parce que l'église est dans la chair. So the things of God she cannot perceive. C'est pour cela que les choses du monde, il ne peut pas se débarrasser de ça. Even the ways of God, she cannot understand. Même les moyens de she Dieu. She wants her own way. She wants to do her things. Il veut ses propres moyens. You cut the flesh out. Vous coupez la chair. When you walk in the streets, quand vous êtes dans la rue, when you are fasting, quand vous êtes dans le jeûne, you look at everybody and you feel sorry. Tu vois tout le monde et tu sens que c'est you désolant. Feel sorry for them. Tu sens que vraiment c'est désolant pour eux. You say, oh, how I wish. Oh, que je désire. That they could know the Messiah is coming. Qu'ils pouvaient savoir que le Messie revient. When you fast, quand tu jeûnes, the perishable. Le périssable is converted into imperishable. Est changé en impérissable. The mortal. Le mortel. Immortality. Est changé dans l'immortalité. And he says the corruptible. Et il dit le corrupt. Celui qui est corruptible. Incorruptible. Change dans l'incorruptibilité. And when that is done. Et quand cela est fait. Death has been defeated. Quand le diable est vaincu. Death has been defeated. La mort est vaincue. The wages of sin is death. Le salaire du péché, c'est la mort. That means, cela veut dire, you overcome sin. Vous avez vaincu le péché. On the day of rapture. Sur le jour de l'enlèvement. The church of Christ. L'église de Christ. We overcome sin. Va être vainqueur du péché.